Dans sa réponse donnée le 9 juin à la question de l'Agence télégraphique centrale de Corée, le porte-parole du comité central de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée a condamné la conspiration anti-République populaire démocratique de Corée et l'enlèvement de nos citoyens par le Centre de renseignement de Corée du Sud. Il a dit « À l'intérieur et à l'extérieur s'élève la voix protestataire contre les fantoches sud-coréens qui ont enlevé nos citoyens en plein jour » et différents milieux sud-coréens exigent un entretien avec nos citoyennes détenues par le centre de renseignement. On peut citer surtout le cas du Rassemblement des avocats pour une société démocratique et du Conseil de l'Église chrétienne qui ont demandé le 3 dernier la rencontre avec nos citoyennes enlevées. Mais de peur que son crime impardonnable soit révélé, le centre de renseignement a refusé sous un prétexte injuste. Dans le passé aussi, les agents du centre de renseignement sud-coréen se sont acharnés pour enlever nos habitants en séjour à l'étranger, mais le dernier kidnapping prémédité et effectué en plein jour, sans aucune hésitation, est sans pareil. Nous ne pardonnerons jamais le crime des agents du centre de renseignement sud-coréen qui enlèvent nos habitants à l'étranger et poursuivront à tout prix et punirons les criminels catégoriquement. Takune, qui a transformé le centre de renseignement en foyer de complot et en groupe de terroristes pour la confrontation et la suppression de ses compatriotes, payera très cher pour son crime.